Hollywood de Rachel De Caro, œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Hollywood. Silence, on ne tourne pas. C'est éteinte, l'ultime voix, le dernier pas, sais-tu? Silence, on ne tourne plus. De ces décors fantasmagoriques où la réalité devient magique, le rêve, un moment, s'est éloigné, s'est enfui, s'est échappé. Ne reste plus qu'un sorcier, toujours plus jeune premier, sortilège de star, le soleil salue le soir. Un oiseau de son aile, phare de ses paupières de ciel, les heures qui s'allongent rougissent ses joues de songe. Les ombres l'habillent de nuit et le vent de nuages d'incendie. Son manteau d'étoiles peu à peu se drape et le voile. Comme une lumineuse vedette enviée des jeunes starlettes, il émeut et trouble les cœurs d'un indicible amour de bonheur. Encore paré de sa gloire, il caresse la nuit déjà noire. Bientôt sur l'horizon disparaîtra leur trait d'union. Mais soudain, la magie solitaire se brise, de bruits et de lumières les hommes se grisent. À leurs artifices, enfin, ils retournent. Silence, on tourne. Rachel De Caro.